Activité 12. Bienvenue au parc Astérix. Vous allez bientôt entrer dans l'attraction du train rapide. Il y a quelques règles à respecter pour votre sécurité. Il faut mesurer au moins 1,20 m pour pouvoir monter dans le manège. Rangez vos affaires, lunettes, bijoux, appareils photo dans votre sac. Et gardez bien votre tête contre le siège dans le train. N'oubliez pas de sourire pour la photo. Vous pouvez acheter cette photo sur le stand à la sortie du train rapide. Amusez-vous bien !